Chapitre 29e, dans l'incendie. Le docteur et le prince Grigoriski, peu après, à leur tour, ayant sondé le terrain, descendirent. Par précaution, ils étaient en toilette de ville. Le docteur portait son chapeau à grand bord, sa longue redingote. Le prince était très galamment habillé. Ce n'était pas évidemment une tenue pour aller à la cave. Mais si un empêchement quelconque, car ils prévoyaient tout, les obligeait à ne pas mettre à exécution pour le moment leur dessein, il leur était facile de continuer la route, de sortir de la maison et de revenir un peu plus tard. D'ailleurs, c'est ce qui leur arriva. Comme ils atteignaient le vestibule, ils trouvèrent Gabriel et la morse précisément devant la porte de la cave. Raisonnablement, ils ne pouvaient, dans cette tenue, descendre, eux, à la cave. Et la prudence leur commandait de ne pas passer derrière une porte, devant laquelle veillaient des hommes de la brigade de Paulin Broquet. Alors, ils poursuivirent la route et sortirent de la maison, se promettant d'y revenir plus tard, ou se décidant à passer par l'antre de la baleine. Cela maintenant importait peu à Paulin Broquet. Il dit à Simon, « Ah, va dire à Gabriel que nous faisons le coup de Sherlock Holmes, qui 40 ans auparavant a servi à Gaborio et que nous utiliserons, nous et bien d'autres après nous. » Puis, il envoya un homme casser la glace de l'avertisseur d'incendie et annoncer que le feu était à la maison dont on s'occupait tant. En effet, dans l'escalier, dans la cour, une épaisse fumée lourde, âcre, piquée à la gorge, aux yeux, roulait des volutes énormes. Ce fut un affolement épouvantable. Tous les locataires fuyaient, se ruaient dehors, emportant à la hâte ce qu'ils avaient de plus précieux. Des citoyens dévoués se précipitèrent pour commencer le sauvetage en attendant les pompiers. Des agents arrivaient. Ceux-ci, en nombre inusité, et avec un ensemble, une promptitude extraordinaire, établir le barrage empêchant de pénétrer dans la maison. C'étaient des hommes de Paulin Broquet qui manœuvraient. Et dans la première voiture des pompiers arrivés se trouvaient Paulin Broquet, Lamorse, Gabriel, qui, dans un endroit convenu, chez un commerçant affilié, étaient allés passer rapidement les uniformes, depuis quelques jours déposés là, en attendant l'occasion favorable de tenter le coup de l'incendie. Paulin Broquet entra avec ses hommes dans la fumée. Il monta immédiatement à l'appartement du docteur Auger. La porte était fermée, d'un coup de hache, on la fera sauter. Les domestiques anglais, hommes et femmes, dès que la fumée avait fait son apparition, s'étaient empressés de fuir, fermant l'appartement. Dans cet appartement, Paulin Broquet et Gabriel pénétrèrent avec la curiosité que l'on suppose. Ils s'apprêtaient à faire bonne moisson de documents intéressants, mais leur attente fut déçue complètement. Dans les pièces se trouvèrent bien des meubles confortables, mais pas un papier, pas un document, rien qui pût leur être de la moindre utilité. « Ils se méfiaient, » dit Paulin Broquet, « et ils n'ont rien laissé ici, » il ajouta. Tout aussi bien cet appartement si facilement découvert par nous n'est pas le vrai. Il ne sert qu'à nous arrêter ici, nous tromper, tandis que le vrai, celui où Zigomar tient ses documents, est ailleurs. Cependant, ce n'était pas tout à fait pour prendre des papiers que Paulin Broquet avait employé le tour classique du feu à la maison. Des papiers, certes, il en aurait très volontiers pris, s'il en avait trouvé, mais il ne se désola pas du tout n'en découvrant pas. Ce que voulait surtout Paulin Broquet, c'était s'emparer de la personne du vrai prince Grigoriski, qu'il soupçonnait, qu'il savait plutôt être retenu dans cet appartement. Il le découvrit en effet dans un cabinet noir, qui devait servir de débarras et où on tenait ce malheureux. Sur un simple matelas à terre, quelque chose qui ressemblait à un être humain, parce qu'on voyait des bras, des jambes, une tête, mais qui en vérité n'était qu'une misérable loque, se tenait replié, couché sur un côté, les genoux dans l'estomac. Les deux bras ramenés au corps laissaient passer par les manches d'une sorte de péplum informe les mains longues et maigres qui portaient aux lèvres un tuyau de bambou, la pipe d'opium. « Le prince Grigoriski, » fit Paulin Broquet. On eût dit d'un cadavre, d'une momie, dont les yeux brillaient à la lueur des lampes électriques du détective, avec le regard fixe et terrifiant des yeux d'émail. La fumée avait envahi ce cabinet noir comme toute la maison. Le fumeur d'opium ne s'en doutait pas. D'ailleurs, il n'aurait pu faire le moindre mouvement pour fuir. « Les misérables !» dit Paulin Broquet. « Ils l'auraient laissé brûler vif !» Il fit apporter par Gabriel une couverture prise dans un lit. Il la jeta sur le prince Grigoriski, et soulevant le matelas, il descendit en toute hâte le malheureux. La foule l'arrêta, curieuse, anxieuse. « Un blessé, murmurait-on, un mort, un asphyxié. Oh, c'est épouvantable !» Rapidement, Paulin Broquet et Gabriel portèrent le prince jusqu'à la voiture des ambulances qui s'éloigna aussitôt. À ce moment, deux des locataires de la maison où s'était déclaré ce singulier incendie revenaient. C'était le docteur Huger et son compagnon, le second prince Grigoriski, celui dont la mine resplendissait, dont la santé était florissante, le gentleman taillé en Hercule, en un mot, Zigomar. Ils voulurent passer, on les en empêcha. Mais ils virent emporter le prétendu asphyxié. Ils reconnurent et la couverture et le matelas. Alors ils comprirent. « Ce n'est pas la maison qui est incendiée, » dit le prince. « C'est nous qui sommes brûlés. Paulin Broquet peut marquer un point sur nous. » Le docteur Huger, la gorge serrée de rage, lança un effroyable juron américain. « À nous maintenant d'en marquer deux, » dit-il.